Chapitre 5. Notre entrée à Paris. Le lendemain, 18 mai 1772, malgré ma grande faiblesse et en dépit des sages remontrances de Joson, je quittais le signe de la croix de Laval à 1 heure de relevée pour continuer ma route vers Paris. Il se peut que le lecteur, selon son humeur ou sa morale, m'ait trouvé bien coupable ou bien heureux au milieu de ces trois amours qui fleurissaient ma jeunesse, Vivette, Catiche, Hermine. Pour ceux qui m'ont jugé trop heureux, me voilà cruellement déchu et me voilà bien puni pour ceux qui m'auraient condamné malgré mon innocence. Plus rien, ma pauvre bien-aimée Vivette pleurait là-bas le sacrifice de nos espoirs. Catiche avait disparu sans laisser de traces et mademoiselle de Bois-le-Roi s'en était allée, profitant de mon sommeil, comme on fuit l'homme qui vous a rendu service et qui réclame un prix trop élevé. Il ne me restait rien d'elle qu'un souvenir enchanté, mais bien triste, qui pesait sur mon cœur plus lourdement que toutes mes autres peines. Joson chevauchait un peu en arrière de moi. Je le trouvais important et rogue depuis la veille. On eût dit que ce n'était plus le Joson qui courait naguère, pieds nus, brandissant son penbas et secouant ses sabots comme les bidets de la forêt de Rennes font tinter leurs clochettes. Il avait ses bottes. « Pour quant à ça, me dit-il sans que rien de ma part eût provoqué ces comparaisons sévères, je ne suis pas un cadet ni pharaon comme vous, mais j'ai bonne tête. Je laisse les cotillons qui passent sans poisser, après comme qui dirait un charbon piqué dans la futaine. J'irai loin, je ne mens pas, avec la conduite que j'ai et la santé. Je n'aurai plus que la moitié de ma chance, puisque j'ai donné la moitié de mon chanvre au 6e monsieur prêtre de Laval. Mais c'était trop que j'en avais. Je ne veux point assommer le monde à tout coup. Avec ce qui m'en reste, gare devant. Ne faut point jamais me barrer ma route. Le gros m'a dit sans cesse que j'avais ben plus d'esprit que vous. » Il ébaucha un moulinet et poursuivit. « Il y a des domestiques qui deviennent maîtres. Il y a des maîtres qui périssent leurs domestiques à coups de tromblon par innocence. Je vais veiller où je mettrai le pied avec vous. « Combien as-tu bu d'écuellé ce matin, Joson ? » demandai-je. « Vlaquez bien, répondit-il en riant à demi, car il était une bonne âme. « C'est du petit vin qu'il donne à Laval au lieu de cidre. Ça ne vaut point rien du tout. Je sais que je suis pour vous respecter jusqu'à Paris, étant gagé de ma volonté gratis. Mais au premier cotillon que vous vous empêtrez dedans, je détale. » Je m'arrêtai et je mis la main à la poche. Joson voulut me regarder en face, mais il ne put pas. C'est là le faible des gars de chez nous, et je ne sais pourquoi, car ils sont francs du collier plus que paysans d'aucune autre province. Mais vous les feriez plutôt donner tête baissée contre un escadron que loucher droit, comme ils disent. « Brun, brun, » fit Joson, « vous allez me dire comme ça, je te chasse, pas vrai? La route est large assez pour deux, et vous ne tenez pas fort sur votre selle, c'est sûr. Je ne mens pas, je vous servirai tant que je voudrais, monsieur le chevalier. » Il ralentit le pas de Taupin, et je remis mon cheval au trot. Je suppose bien que le lecteur n'y a vu que du feu, mais, à sa façon, Joson Menou m'avait fait des excuses. Il avait tiré la grande mèche qui pendait par devant, sous son chapeau, et baisé le creux de sa main. C'était un temps gris, l'air était mouillé, il faisait froid. La fièvre me tenait encore. Mes blessures, qui toutes étaient très légères, me piquaient, et chacune de mes contusions se rappelait à moi par des élancements insupportables. J'avais boutonné ma jaquette du haut en bas parce que je me sentais frissonner. Au bout d'une demi-heure de marche, je portais la main à ma poitrine où quelque chose me gênait. Je rencontrais sous l'étoffe un objet dur. Alors un souvenir essaya de naître en moi. J'eus le vague ressentiment de ce rêve ou de ce demi-sommeil où j'avais vu Hermine penchée au-dessus de ma couche. Mon front me brûla. Le baiser y était. Je revis mademoiselle de Bois-le-Roi assise à la table et écrivant. Ce ne pouvait être, cependant, une lettre qui meurtrissait ainsi ma poitrine endolorie. J'ouvris ma jaquette précipitamment. C'était bien une lettre piquée à ma chemise à l'aide d'une épingle, mais il y avait dans la lettre un cœur d'émail entouré de perles magnifiques. Comme je baisais ce cher bijou dont la valeur m'était assurément inconnue. Et la lettre, j'eus bien de la peine à la lire. L'écriture en était fine et charmante, trop charmante pour moi, habituée au gros jambage de mon oncle le Bihan. Ce fut en lisant cette lettre que je résolus de pousser un peu mon éducation à Paris. Voici ce qu'elle disait. « Je ne peux pas rester près de vous. Je crois que vous m'aimez. Je sais que je vous aime. Jamais plus je ne vous verrai en ce monde. Voilà pourquoi j'ose vous parler ainsi. Gaston, mon ami, mon frère chéri, je ne vous dis pas de m'oublier. Pensez à moi toujours comme à la sœur de votre âme. S'il n'y avait eu entre nous que Dieu, Dieu est si grand et si bon que je lui aurais demandé mon serment. Il voit les cœurs. Il sait bien que ma tendresse pour vous est pure. Il aime à regarder d'en haut les heureux. Mais je tue ce que j'aime, Gaston. Je suis gardée par un démon. Je vous ai pris un baiser pendant que vous dormiez. C'est la seconde fois que ma lèvre touche le front d'un homme. Quand on rapporta Yves décédé, je l'embrassai pour lui donner l'adieu. Adieu, Gaston. En vous quittant, je vous sauve. Quelque jour, il me rapporterait aussi votre front tout froid à baiser. Pourquoi vous assassinerait-il maintenant, puisque vous n'êtes pas entre lui et mon héritage? N'essayez pas de me rejoindre. Quand vous arriverez à Paris, je serai en sûreté contre vous. Adieu, adieu, c'est mon cœur que je mets dans ma lettre. Portez-le toujours sur votre cœur. » Le papier avait bu bien des larmes. Je chancelais sur mon cheval, et Joson me reçut dans ses bras en criant « Ah, failli merle que je suis, et marin d'eau douce, et maladroit de propre à rien, c'est-il du chagrin que je vous ai fait que vous ne pouvez point vous consoler, monsieur le chevalier ?» oh dame, fils de vache, c'est point de vous que je parle sûr et vrai. Si vous alliez trépasser sur la route, je serais trop embarrassé. Ce que c'est de nous, hélas, hélas, Jésus-Marie, Saint-Joseph et toute la litanie, et mon patron, essayez de pomper une gorgée à ma gourde. Allons, sacrebleur, de nom, ouvrez le bec pour l'amour du bon Dieu. Figurez-vous bien qu'il pleurait à chaudes larmes. Il m'avait emporté dans ses bras et couché au bord de la route. Je reste persuadé qu'il m'aurait fracassé la mâchoire dans la bonne intention de me faire boire si un instinct de défense n'eût dirigé mon poing fermé dans son œil droit. « Oulard ! » cria-t-il en prenant son œil à poignée, mais tout radieux d'allégresse. « Un joli coup de poing tout de même. Je dis la vérité pour ne point pécher. Vous revoilà en vie, ça fait plaisir. » Que vous m'avez donné de la mauvaise peur, monsieur le chevalier. » Son œil enflait. Il était aux anges, le bon garçon, et le coup qu'il lampa en réjouissance vida presque sa bouteille. Moi, je restais d'abord stupéfié et insensible. En toute ma vie, je n'avais pas ressenti une émotion pareille. Avec le souffle qui me revenait, les larmes jaillirent en abondance. « Puisqu'on vous dit qu'on ne le fera plus !» s'écria Joson avec un commencement de colère. « C'est du tort que j'ai eu. Ça ne me regarde point que vous courez après les demoiselles le long des routes. À cheval, Josille, mon gars, interrompis-je. Nous serons à Paris dans 24 heures où je laisserai mes os en chemin. » Je comptais rattraper d'ici là le carrosse de monsieur Edoux. Je me sentais plein de force. Ma foi, mademoiselle de Bois-le-Roi n'était pas encore au couvent. Nous galopâmes pendant 4 heures sans prendre le temps de souffler. Mon intention était de changer de chevaux à Mayenne pour voyager toute la nuit. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Cette nuit-là, je suais la fièvre dans un lit d'auberge et ne pus me relever de toute une semaine. Il me fallut 4 autres jours pour atteindre Paris, où j'arrivais dans la soirée du 2 juin, par un temps magnifique, monté sur le grand cheval du Guenillou et mon fidèle Joson ayant toujours Taupin entre les jambes. Nous entrâmes dans la grande ville par la porte de Billy et le cours La Reine. Joson s'était fait sans doute un pari à son idée. Il ne pouvait retenir l'expression de son amer dédain en voyant que la ville était composée de maisons, que les arbres avaient des feuilles et la rivière de l'eau. « Ah, dame, ah, dame !» disait-il. « C'est censé une attrape. Je ne vois rien en tout de plus beau qu'ailleurs. C'est bête de mentir. Ce n'est point la peine de faire tant de route pour voir des faillis à faire comme ça, et on n'en parlerait point tant de ce pari s'il était seulement à Quimper. » À l'hôtellerie où nous nous arrêtâmes, dans la grande rue Saint-Honoré, auprès de l'église Saint-Roch, on m'enseigna la demeure de M. Thérèt du Coudray, le cousin du ministre, et j'y courus sans prendre le temps d'épousseter mes habits de voyage. C'était là que M. Édoux de Pélédoux et Mademoiselle de Bois-le-Roi, sa pupille, avaient dû descendre. Je n'eus pas de peine à trouver. M. du Coudray habitait un bel hôtel de la rue Gaillon, et sur le pas de la porte cochère, je reconnus Grippe-Soleil, le vilain singe de Guidelle, qui louchait des deux yeux. Il portait la livrée du pauvre monsieur Lecker. Il me reconnut aussi du plus loin qu'il m'aperçut et appela le Suisse pour avoir main forte. Ainsi appuyé, il me dit « Avez-vous des nouvelles du pays, monsieur Gaston ? Il paraît que ça va mal chez le vieil ivrogne. J'entends monsieur Le Bihan. Moi, j'ai quitté rapport au chantre qu'il m'accusait d'avoir pendu. Je vais monter dans la finance, connaissant le latin et les chiffres. Savez-vous que vous voilà dans un triste équipage ? C'est pour vous que je guettais à la porte. » Et se tournant vers le Suisse, il ajouta « Regardez bien celui-là, monsieur Kirsch. C'est le bas breton que monsieur de Pélédoux vous ordonne de jeter dehors chaque fois qu'il viendra. Et envoyez votre aide jusque chez monsieur le vicomte de Saint-Pierre pour lui dire que son filou de Vitré est arrivé poudreux et crotté jusqu'à l'échine. Ha ha, calotte à papa, comme disait le bonhomme en son vivant. Les chevaliers de la Basse-Bretagne ne valent guère mieux que les chercheurs de pain à Paris. Est-ce que mon oncle Le Bihan serait mort ? » m'écriai-je sans même songer à punir ce maraud. Tout en parlant, Grippe-Soleil, qui n'avait pas compté sur tant de patience, s'était retiré en dedans du seuil. « Écrivez là-bas, me dit-il, si vous savez écrire, mon garçon. Mais qui vous répondra maintenant ? Écrivez, écrivez !»« Et Vivette ? » demandai-je. Il eut son méchant rire et me jeta la porte sur le nez.